aux humbles glorieux, au long des jours sans fin et des nuits de stress, m'assaillent des images très apocalyptiques sur le destin du monde, elles me rendent sceptique. Alors je pense à eux, nos dieux, nos déesses, et je me dis qu'enfin, les humbles, les obscurs, en ces temps de malheur, sont en pleine lumière. Courageux combattants, nobles et téméraires, ils œuvrent calmement pour sauver le futur. Ils n'imaginaient pas vivre telle aventure, ni que soigner les gens serait cette galère où l'humain est la proie d'un virus en colère et qui, sournoisement, l'attaque et le torture. Effrayés, solitaires, des êtres disparaissent, néanmoins consolés à l'instant fatidique, dans les bras amicaux d'un interne empathique ou d'une infirmière émue de leur détresse.